anglais est pourri et c'est pas grave. Et les anglais, de toute façon, les américains, ils s'en branlent de nous. Alors, merde, j'ai pas voté comme il faut, putain. Vote. Ah non, BPM, pardon. Putain, j'arrive pas à voter. On est mal. Another one. En plus, c'est dur. Another one. J'arrive pas à chanter. Another one bust the dust. Hey, I got to do another one bust the dust. Hey. À la basse, Miss Sharon Oz. Oz. Steve Warren, Dover Street, with a brown blue white all over. No song but the sound of his feet. Machine gun ready to go. Are you ready? Are you ready for this? Are you hanging your head to see? Out of the door and the battery to the song of the beat. Pardon. C'est quoi la guitare? Là où tu veux que. Il est où mon chant? Il est dans. Dans. Il est. Non, je déconne. Moi j'enlève le délai. I know I'm best dust. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3. Mais c'est pas grave, la suite, tu fais que le début. C'est quoi les accords guitare là? C'est quoi? Moi, je vais monter la batterie. J'ai besoin que d'entendre la batterie. Voilà. Oh putain, ça pète là. Ça pète ça. Thank you. guitariste. And I want best to stay. I know I'm best at this. Hey, hey. I know I'm best at this. I know I'm best at this. Hey, Dragon. Dum dum dum dum dum. Dagger dum. J'ai deux versions. Thank you.